je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je t'avais juré, j'ai tout brisé. Une nuit, j'avais besoin de liberté et je croyais pouvoir t'oublier, mais j'avais oublié que je t'aimais plus que tout. Je suis sans pitié, comme un loup enragé, comme un chien sans collier. Sans toi, je suis sans maison, je traîne de gare en gare comme un vagabond. Comment me faire pardonner et comment te prouver que j'ai changé? Comment te faire oublier cette nuit, tout le mal que j'ai fait? Yêu em anh hứa yêu thật nhiều, và sống tới phút chót cho hết luôn cuộc đời. Nhưng có những lúc em đã tuôn nhiều lệ, vì đêm ấy hết rồi em. Sống như lạc lõng và như ngựa hoang bị thương, sống trong vùng giang buông. Không có em thôi coi như là hết. Về đi em, đừng giận anh. Về đi em. Je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je jure que je t'aime, c'est la vérité. Comme un fou, je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je jure que je t'aime, c'est la vérité, plus que tout. Comme un fou, je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je jure que je t'aime, c'est la vérité, plus que tout, comme un fou.